À l'occasion de la journée des mères, la cérémonie de remise des présents du maréchal Kim Jong-un aux délégués de la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée, mères et membres exemplaires de l'Union des femmes et femmes cadres, a eu lieu le 16 courant à la Maison de la Culture 25 avril à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti et de l'État, des officiels intéressés, des délégués de la 6e conférence, des maires et membres exemplaires de l'Union des femmes et femmes cadres dans la ville de Pyongyang, ainsi que les membres de cercles artistiques des structures de l'Union des femmes venus donner leur représentation d'ensemble. Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a prononcé un discours de remise des présents. Il a dit que le maréchal Kim Jong-un a accordé de grands bienfaits aux mères et femmes coréennes avec l'affection paternelle. Il a appelé toutes les mères et femmes étroitement unies autour du maréchal Kim Jong-un à tenir une des deux roues de l'édification d'une puissance socialiste et à faire preuve sans réserve de l'honneur comme fleur de l'époque. Ensuite, on a transmis les présents.